Je reste en feu de croisement. Réponse A. Je passe en feu de route. Réponse B. Je passe en feu de position seul. Réponse C.